Dans les chansons populaires de New Orleans à Chicago, de San Francisco à New York, qu'elles soient plaintives ou joyeuses, accompagnées à l'harmonica, au banjo, à la guitare ou en frappant dans les mains, il arrive toujours un moment où le narrateur appuyait sa litanie, sa plainte, sa légende ou son histoire d'amour par un yeah affirmatif. En traversant l'Atlantique par GIs interposés ou 45 tours importés, cette approbation devint un yé, francisé avant d'être doublé et même triplé. Salut les 60, bienvenue sur Radio Guimauzo, bienvenue dans le temps des yéyés. C'est avec les cousins Kelly Wedge que nous entrerons dans le vif du sujet. Kelly Wedge restera en 1960 6 mois au sommet des hit parades belges. Kikili watch, kikili watch, kikili watch. Kili kili kili kili watch watch watch watch. Peyong ken peyava, aria chama chama poli watch. Aria chama chama poli watch. Kili kili kili kili watch watch watch watch. Peyong ken sugar, oh honey, honey, you are my Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gamozo. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme un simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton bois. François Hardy, l'amitié. Un fort joli mot, un mot fort, souvent exploité par les idoles au cours de cette décennie. Adaptation contre version originale au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs. Nous évoquerons également le hit parade de juin 1965 à l'aide de quelques disques classés à l'époque. Et notre coin du spécialiste sera consacré à Dalida, une grande chanteuse qui, jusqu'à sa mort, le 3 mai 1987, traversa toutes les modes avec succès. For the show. Simca sort la ronde Océane équipée de tout le confort moderne et la Jaguar gagne les 24 heures du Mans. Calder sort des mobiles, les Américains présentent leur premier satellite et les Japonais filment pour la première fois la planète Mars. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Le Maroc du roi Hassan II devient indépendant. Qui fait maman quand on la touche. La Tunisie de M. Habib Bourguiba également. Oh, chez Zadoussi, Sans le savoir, Rosie invente la perversion grand public et fait scandale. Au Mexique, les beaux des argentés s'envolent pour le plus grand plaisir des touristes émoustillés. Et les lunettes de soleil s'émancipent. Bourville et Jean Gabin immortalisent la traversée de Paris. Quand elle danse, et Dieu, il crée danse, la femme. Et Vadim, Brigitte Bardot. La tête et les jambes, Marilyn Monroe et Arthur Miller se marient. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill, where I found you. The moon's just still Fats Domino, Blueberry Hill. Ce titre, sorti en 1956, sera repris entre autres par Elvis Presley et Johnny Hallyday. Une constatation pour Michel Thor en 1964. Les Beatles viennent de tourner leur premier film, Quatre garçons dans le vent, tandis que l'on se sclaffe dans les salles obscures aux aventures du gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funeste. Richard Anthony classe dans les hit-parades de l'époque Les garçons pleurent. Allez, situons le tout, nous sommes en septembre 1964. Jacques, nous resterons dans cette année 64, si tu le veux bien, et si vous le voulez bien, avec les Animals qui triomphent sur la scène de l'Olympia, avec notamment Story of Buddy Lee, qui résume l'histoire du rock'n'roll de ses débuts au Rolling Stone. Un titre sublime, génial, un titre signé Eric Burton. All alone. I know you. Écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Que c'est bon de voir venir le jour, que c'est bon de retrouver l'amour, quand on a pendant 16 mois vécu cette vie-là. Que c'est bon de voir s'ouvrir la grille, de partir en ne se retournant point. En

cette année 65, Eddie Mitchell rend hommage à ces deux grands rockers qui étaient Buddy Holly et Eddie Cochran. J'avais deux amis rentrent en ce mois de juin à la 22e place du Hit Parade. Johnny Hallyday profite de chaque moment de loisir que lui laisse ses dernières semaines de service militaire pour mettre au point les chansons qu'il interprétera sur scène avec son nouvel orchestre. Il en profite aussi pour classer Les Monts près du ciel à la 17e place du Hit Parade de juin 1965. Je regarde vers les hommes et je me sens seul comme un chien qu'on abandonne. La pluie coule en larmes sur le sol. Oh, trop souvent je suis venu et trop souvent tout seul. J'étais si heureux quand j'étais près d'elle, là-haut sur les monts près du ciel. Jour après jour, je suis revenu l'attendre en mettant mon cœur à l'armée à cendre. Oh, si tu pouvais être seul aussi. Oh, si tu pouvais penser revenir ici. Mais j'ai chaque fois te revois plus belle, là-haut sur les monts près du ciel. Les monts près du ciel, les monts près du ciel. J'y ai tant souffert, on les appelle du ciel, pour moi c'est l'enfer. En battant la

Poupée de cire, poupée de son, France Gall, 14e du hit parade de l'époque. Tandis que de nombreuses idoles s'apprêtent à partir en tournée, Claude François glace à la 6e place du hit parade de juin 1965 les choses de la maison. Beaucoup de choses ont changé, tu sais, ici. Le chat ne mange plus depuis que tu es parti. Au mur, les photos semblent se cacher. Partout chez moi, je me sens comme un étranger. Les choses de cette maison te regrettent autant que moi. Elles ne veulent pas croire que tu m'es guidé. Les choses de cette maison te regrettent autant que moi. La seule différence, c'est qu'elles ne savent pas pleurer. Les lumières ne brillent plus comme autrefois. Jusqu'au sol qui semble se dérober sous mes pas. Je n'ai plus trouvé de sommeil sur mon oreiller. Nulle part un petit sourire pour me consoler. Les choses de cette maison te regrettent autant que moi. Elles ne veulent pas croire que tu m'es quitté. Les choses de cette maison te regrettent autant que moi. La seule différence, c'est qu'elles ne savent pas pleurer. Si les oiseaux ne chantent plus leurs petites chansons, tu vas encore dire que c'est mon imagination. Si les meubles craquent si fort, c'est qu'ils sont malheureux. Si ce n'est pas pour moi, au moins reviens pour eux. Les choses de cette maison te regrettent autant que moi. Elles ne veulent pas croire que tu m'es quitté. J'ai dit les choses de cette maison te regrettent autant que moi. La seule différence, c'est qu'elles ne savent pas pleurer. Tu sais les choses de cette maison. Tandis que Sylvie Vartan, qui triomphe au Japon, place cette lettre-là, son nouveau titre, à la 2e place du hit parade de juin 1965. Sur ma lettre coulée.

Yesterday, c'était l'année 65, c'était les Beatles. Vince Taylor est certainement le seul rocker anglais à posséder une discographie essentiellement française. Sa période anglaise ne contient que 4 singles qui seront réédités tardivement en France. I Like Love est extrait du premier 45 tours enregistré par Vince Taylor et c'était en 1958. I know that love is a here to stay, 'cause I like it. Woo, I like it. I'm in a stew over what to do, 'cause I like making love to you. Yeah, I like love, and I like loving you. They say that love will make you blind. That may be true, yeah, but I don't mind, 'cause I like it. I'm a kind of mixed up, it's awful tough, but I like love and that's enough, yeah. I like love and I like loving you. Well, I found out, I saw the light, loving you is so alright, 'cause I like it. Woo, I like it. I'm in a stew over what to do, 'cause I like making love to you, yeah. I like love and I like loving you. This way, I just want to love you, baby, night and day, 'cause I like it. I like it. I'm all mixed up, you're reading it rough, but I like love, and that's enough, yeah. I like love, and I like loving you. Now, ever since you looked at me, I've been a bucking baby up your tree, 'cause I like it. Ooh, I like it. I'm all fouled up, and maybe true, but I like making love to you, yeah. I like love. And I like loving you. Come on, catch that bullet. Man, I really think it's wrong. Man, I sound like that. Come on, baby, sweet. Après ce bon vieux rock de Vince Taylor, je vous propose, en compagnie de Michel Delpech, eh bien, de dresser l'inventaire de l'année 66, et il s'en est passé des choses. Une mini-jupe de votre courage, un bidonville et de Mireille, une nouvelle piaf, un petit oiseau de toutes les couleurs, une nouvelle d'arc qui brûle les planches, une religieuse, un cacharel, des cheveux longs, des idées courtes, un vieux Paris, un Paris 2, des paravents à l'Odéon, un palmarès de la chanson et toujours même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose, et tu as peint pour moi cette année tout en rose. Toi, oui, toi. Une guerre au Vietnam, un mariage en Hollande, pour bientôt un petit smet et la mort d'un poète. Caméra sur la lune, un drugstore opéra. Des chemises à fleurs, un étrangleur. Une bombe dans la mer, opération Tanner. Juanita Banana, un four à l'opéra. Un homme et une femme au festival de Cannes. Un tabarin en moins, un palladium en plus, et toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose, et tu as peint pour moi cette année tout en rose. Toi, oui, toi, mon petit raton laveur, yeah, yeah.

Oui, si je vous ai parlé de saucisson, eh bien, vous n'êtes pas sans remarquer qu'à la télévision actuellement passe une publicité pour une célèbre charcuterie, dont je ne citerai pas la marque, mais qui a choisi le refrain de la chanson de Sheila comme thème pour la campagne de son saucisson. Vous avez donc choisi Sheila, j'en étais certain, car vous les copains, je ne vous oublierai jamais, fait partie du patrimoine français au même titre que le twist « L'école est finie ». Enfin, de toute manière, c'était votre choix et c'est un très très bon choix. Les Charlots et Stevie Wonder Uptie, c'est à venir sur Radio Guimauzo. Les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Les cloches, midi. Sur la route de Penzac, gauche, gauche, l'Irak, gauche, gauche, l'Irak. Sur la route de Penzac, la joie éclate et craque. Y'a les bourgeons qui bourgeonnent, les passants font ri-cui-cui. Et c'est la noce à Marivonne qui débouche du pays. Et la grand-mère souffle dans la midi. Et le grand-père fait un pot de chaussures. Et les mariés suivent bras-dessus, bras-dessus. En soupirant et en jolis yeux durs. À la nuit, au dur, à la nuit, au j'apporte. Oh, Marivonne, je te plaidis. Et moi, j'en ai tout du le, je te plaidis. Les cloches, deux heures. Merci. Et sur la route de Penzac, couscous, l'Irak, couscous, l'Irak. Sur la route de Penzac, pour calmer les estomacs. à l'auberge du Charboule, sous l'unique parasol. Voilà que le cidre coule dans les verres, dans les bols. La grand-mère souffle dans son milieu, et le grand-père siffle à coups de cidre doux. Et les mariés s'approchent au contre-jeu, et bientôt vont se mélanger les genoux. À la négozère, on dira la négozère. Ah, ma jolie Marie-Bonne, j'ai les tibias qui frissonnent. Clac, clac, clac, clac. Et moi, Jean-Louis Théodule, j'ai les fourmis dans les rotules. Les cloches, 8 heures. Et sur la route de Benzac, gousse-gousse l'airac, gousse-gousse l'airac. Sur la route de Benzac, les filles vont en zigzag. On danse la dérobée, les gars sont entreprenants. Les canadons s'est abîmée d'une autre fille vieille de 100 ans. La grand-mère suisse de son milieu. Et le grand-papa ronflotte qui dort debout. Il vole dans le gilet de son époux. Vers cette vie à touche et boire le jus. À la négozère, dur à la négozère. Eh, ah, Jean-Louis Théodule, le slou, on m'a dit des merveilles. Tu verras Marivonne, il a des grandes oreilles. Les cloches, moins 5. L'heure exacte vous était offerte par les Charlots. Sur la route de Penza, gousse-gousse l'airac, gousse-gousse l'airac. Sur la route de Benzac, la lune pose son bivouac. Elle éclaire les fougères, on voit un couple enlacé. Et soudain dans la nuit claire, monte un cri à tout casser. La grand-mère laisse tomber son milieu. Le grand-père se réveille et comprend tout. L'année prochaine, je vous donne rendez-vous. Il y aura un petit breton de plus parmi nous. À la négozère, tu vas la négozère. Les Charlots sur la route de Penzac, de l'humour et de l'humeur, de la bonne humeur sur Radio Guémozo. Je vous propose de faire une chose beaucoup plus sérieuse. Tiens, par exemple, faire des ronds dans l'eau avec François Hardy. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire tes ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu balottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. Tandis que les radios périphériques en cette année 64 diffusent Tell Me, le nouveau titre des Rolling Stones, Martin Luther King décide de marcher sur les traces de son père en basant son action sur le principe de non-violence prôné par Gandhi. Il prend la tête de la lutte pour les droits civiques des Noirs en Amérique. Ses actions lui vaudront de recevoir en 1964 le prix Nobel de la paix et d'être assassiné 4 ans plus tard. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You said we're through before you walked out on me. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. Jacques, mon ami, j'espère que tu me le confirmes. Hein. Excellent ce titre des Rolling Stones. Dans quelques minutes, nous évoquerons dans notre rubrique le coin du spécialiste, la carrière d'une grande dame de la chanson française. Nous parlerons de Dalida et ça sera juste après Polanka, Diana. As free as the bird. 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gemozo. Yolanda Cristina Gigliotti est née en Égypte, plus exactement au Caire, le 17 janvier 1933, de parents italiens. En décembre 1954, à la veille de Noël, elle débarque à Paris et se lance à la conquête des cabarets parisiens. Cela sans grand résultat. Et c'est au cours des numéros 1 de demain qui se déroule à l'Olympia que Lucien Maurice, directeur de la célèbre station, et son futur mari, ils se marieront d'ailleurs en avril 1961, et Eddie Barclay, producteur de disques, découvre Dalida. Elle signe un contrat avec la maison Barclay et le 28 août 1956, elle enregistre son premier 45 tours qui ne connaîtra qu'un succès mitigé. C'est en décembre de cette même année que Dalida va connaître la gloire avec Bambino. Dès lors, Dalida va voler de succès en succès et devenir une grande chanteuse populaire. Au début des années 60, elle subira l'influence des yéyés et interprétera du rock and twist avec des titres comme 24 000 baisers, T'aimer follement, Itsy Bitsy Bitty Bikini, etc. etc., etc. Acclamée dans le monde entier, sa notoriété est immense. Pourtant, le suicide en 1967 de son amant, le chanteur Luigi Tenco, crée en elle une fêlure irréversible. Dalida se sent très seule, bien qu'en 1986, elle réalise son rêve en tournant le sixième jour, celle qui traversa toutes les modes, des 50 au disco, des 70, en passant par le yéyé. C'est d'ailleurs à cette époque rock and twist que nous évoquerons en musique aujourd'hui. Dalida, vaincue par la solitude, mettra un terme à sa vie, et c'était le 3 mai 1987. Elle avait 54 ans. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, petit, petit, tini, wini, tout petit, petit, petit, qu'elle mettait pour la première fois. Elle dit, petit, tini, wini, tout petit, petit. Un bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit, petit, petit, tini, wini, tout petit, petit, bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Elle dit, petit, tini, wini, tout petit, petit, bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit, itty bitty tini wini, tout petit petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Elle itty bitty tini wini, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. Et de t'aimer follement, mon amour. T'aimer follement tes jours, ça n'est

j'ai envie de t'embrasser. C'est ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne fais pas de glace, je ne laisserai pas ma place. Quand je te donne 24 000 baises, je fais entrer tous les 10 000. J'en suis au moins à 800 000. Mais je ne veux pas m'arrêter. Il nous faudra quitter la terre sans même faire une prière. Je suis bien certaine que Saint-Pierre, en me voyant toujours sincère, me permettra de t'embrasser tout le temps de l'éternité. Avec une poignée de terre, il a créé le monde et continue de créer la terre, tout en faisant sa ronde. Le Seigneur jugeant ensemble qu'il manquait le minimum. Avec une poignée de terre, il a créé des lèvres et des bras quand il me serre pour me donner la fièvre. Et je pense à chaque instant que celui que j'aime tant, que le Seigneur l'a fait rien qu'avec une poignée de terre. Chante à grands pas, allons de ci, de là. De la terre il ramassa, puis ses manches il retroussa, et de ses mains il façonna la divine douce bonne, celle que tout le monde nomme l'éternelle femme et l'amour que Dieu a donné aux hommes. J'aime bien l'école et mes leçons. J'ai aussi la tête folle pleine de chansons. C'est une passion qui me poursuit jour et nuit. Alors je t'en supplie, oh papa, achète-moi un jukebox. Oh oh oh papa, je rêve tant d'un jukebox. Si tu me l'achètes, je te promets que plus jamais le soir je ne sortirai. Et tu pourras me voir en train de fermer le boire en écoutant Elvis Presley, les chaussettes noires, Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il raconte là? Mais c'est pas du tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Oh oh oh papa, achète-moi un jukebox. Oh oh oh papa, tu peux m'offrir un jukebox. Il y a de la place à la maison. On l'installera dans un coin du salon. C'est vraiment idéal pour l'ambiance familiale que d'écouter Elvis Presley, les chaussettes noires. Elvis Presley, Bandida, les chaussettes noires, Bandida. Remets encore ça. Tous les samedis, j'inviterai mes amis. pour danser, pour twister, on repoussera les meubles puis les tapis. On te fera une vraie surprise partie. Oh, oh papa, achète-moi un jukebox. Oh oh oh papa, lorsque j'aurai mon jukebox, je pourrai faire grâce aux amis. On fait de temps beaucoup d'économies, car ils mettront leurs sous dans l'appareil à sous pour écouter et distresser les chaussettes noires Johnny Hallyday. Et le dimanche d'après, on prendra des billets pour aller voir Elvis Presley, les chaussettes noires Johnny Hallyday. Mais ils n'ont rien compris, elle est toujours là. Après tout, pourquoi pas? Radio Guémezo, au cœur de la musique des années 60. Jamais je n'y croirai, car quand ce jour viendra,

du succès. Hey! Je l'aime. Accompagné par la batterie, les mots d'amour sont plus jolis. Hey, hey, it's alright. Hey, hey, redis-le. Hey, hey, ferme les yeux. Hey, hey, c'est bien mieux. La méthode accélérée, ça c'est mon secret. Viens avec moi plus près, je te le dirai. Le style d'anglais. Girl, tu vois je l'aime. Embrasse-moi, ça c'est parfait. Tu as l'accent, le seul, le vrai. Hey, hey, it's alright. Hey, hey, embrasse-moi. Hey, hey, it's alright. Hey, hey, plusieurs fois. Libère de High Girl, puisqu'il est question de filles, en voici une sur Radio Guémozo. Petite par la taille, grande par le talent, France Gall, Bébé Requin. Viens, suis-moi, je connais une route d'émail qui mène au pays de perles et de corail. Je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé diamant. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé diamant. Sur les vagues, je vais te faire descendre dans un ciel de sable. Je suis un bébé requin, au ventre blanc et dans la craie. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé diamant. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé diamant. Pour te garder, moi je me battrai contre mes sœurs. Je veux être la seule à te manger le cœur. Merci